17:30, activation orale, forme de l'imparfait. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. C'est ce que nous voulons. Et vous dites. Et c'est ce qu'il voulait, lui aussi. 2. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qu'il attendait, lui aussi. 3. C'est ce que nous cherchons. Et c'est ce qu'il cherchait, lui aussi. 4. C'est ce que nous préférons. Et c'est ce qu'il préférait, lui aussi. 5. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce qu'elle croyait. Elle aussi. 6. C'est ce que nous disons. Et c'est ce qu'elle disait, elle aussi. 7. C'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'elle faisait, elle aussi. 8. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce qu'elle voulait, elle aussi.